Allô? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce 9e live de Beauté Imaginée. Camille, tu m'entends? Oui, je t'entends, tu m'entends bien? Super, parfait. T'as tes petits écouteurs? Ouais, nickel. Bah, parfait. Les Moi ai mis et aussi. tout. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, c'est parti pour l'introduction. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité à la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Et d'ailleurs, si ça vous dit d'être dans mon prochain live, mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ce soir, avec Camille, nous allons parler de la pression sociale et du lien qu'elle peut avoir avec le maquillage. Merci beaucoup, Camille, d'être avec moi pour parler de ce sujet. Bah, merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que le maquillage, c'est un sujet qui t'inspire plutôt, tu dirais, toi? Bah, plutôt oui, parce que enfin, je m'intéresse au maquillage depuis que je suis plus petite. Enfin, je regardais ma mère se maquiller, enfin, plein de trucs comme ça, quoi. D'accord, t'as toujours bien aimé. Je regarde un peu Ouais. ton émoji. Oui, t'as choisi du rouge à lèvres, notamment du maquillage. Ok, super. Alors, je te propose de commencer tout de suite avec la rubrique sur tes Pas de habitudes de soucis. vie. Chers Pas de auditeurs, soucis. hein, on attend vos audios. Si vous avez des témoignages à nous raconter, c'est avec plaisir. Du coup, on va parler un peu de ton rapport, toi, Camille, au maquillage. Déjà, à quel âge tu as commencé à te maquiller? Alors, moi, j'ai commencé à me maquiller, c'était fin seconde. Et encore fin seconde, je mettais, enfin, j'avais le droit à mettre que du mascara. Et j'ai D'accord. commencé à comment dire. Mettre du fond de teint et tout, à négocier, à mettre du fond de teint et tout à partir de la première. D'accord, première. Ok, pour vraiment ce que tu mets encore actuellement, c'est ça? Ce que tu Oui, pour un ouais. peu ton degré de maquillage actuel, c'est du coup milieu Ouais. lycée, quoi. Ouais, quand D'accord. même fin terminale pour là, je mets vraiment, genre par exemple, bronzer, etc. On va dire qu'en D'accord. première, je mettais genre une bébé crème, un truc vraiment pas vraiment couvrant, mascara et je D'accord. me faisais les sourcils, quoi. D'accord. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, à quel âge vous avez commencé. Je trouve ça intéressant de voir les différences. Moi, pour ma part, c'était vers 13 ans, si je ne me trompe pas, parce qu'avant, c'était interdit à l'école. Et du coup, quel était l'avis de tes parents là-dessus? Alors, bon, mon père, il s'en fichait un peu. Bah, il voulait pas non plus que je D'accord. me maquille trop, mais il s'en préoccupait pas, quoi. Et ma mère, D'accord. elle a pas voulu que je me maquille tôt, en fait. Quand j'ai commencé à mettre du mascara, c'est qu'elle m'avait autorisé. Et j'avais le droit Ah de ouais, mettre que du d'accord. mascara. Et quand je dis négocier à D'accord. mettre du fond de teint et tout, Oui. c'est que j'ai négocié avec elle, du coup. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Tu lui en parlais régulièrement? Tu étais obligée vraiment de. Enfin, je sais pas, d'avoir des bonnes notes en échange ou quelque chose comme ça? Ah non, c'est pas ça, c'est que bah elle savait que j'aimais bien ça et bah le Ouais. week-end des fois je volais son maquillage et je me faisais des D'accord. petits maquillages et tout, donc elle m'a dit bah oui, comme petit à petit vu que je grandissais et tout. D'accord. Oui, Elle a au début, elle accepté. disait non, c'est trop tôt. Puis elle a vu que tu t'y Ouais, intéressais tellement voilà, qu'elle a lâché du lest, comme on dit. ouais. Ouais, Et c'est ça. toi, à ce moment-là, pourquoi tu voulais te maquiller finalement? Qu'est-ce qui te. Oh, ça te motivait par rapport à quoi? Bah, au tout début, quand j'étais petite, bah, quand toutes les petites filles, je pensais pour ressembler à sa maman. Ouais. Et après, je sais pas, enfin, je commençais un peu à être sur les réseaux sociaux et tout, et je trouvais que ça faisait de jolis yeux, les yeux en amande, les D'accord. machins, les petites Ouais. pommettes roses, les trucs dans le genre. Du coup, je me D'accord. suis dit, ça peut être cool sur moi. Ouais, d'accord. Et là, les réseaux sociaux, par exemple, à quel âge t'as commencé? T'es sur lesquels déjà et Alors là actuellement, bon, j'ai Twitter, Instagram, Snapchat, bon les trucs basiques. D'accord. Et Ouais. Instagram, j'ai eu en fait le truc c'est que je voyais avec mes frères et tout, mais j'ai eu le droit d'avoir vraiment Ouais. les réseaux sociaux en première, D'accord. fin seconde, début première. D'accord. Ok. Et du coup, ça a plutôt, enfin, tes influences un peu en termes de maquillage venaient pas mal des réseaux sociaux, tu dirais? Quand même, ouais. Parce que quand par exemple on traîne sur Instagram, on voit les tutos make-up, les traits de Oui, liner, les machins. Et on a toujours ça envie remonte assez d'essayer et vite. tout. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que entre le moment où tu as commencé à te maquiller et aujourd'hui, ton rapport au maquillage a évolué? Tu dis que tu en mets plus, mais voilà, est-ce que tu le fais pour d'autres raisons ou ça reste dans la même lignée? Bah, on va dire que je peux plus me maquiller comme je peux ne pas vraiment trop me maquiller. On va dire que D'accord. ça fait à peu près un an. D'ailleurs, j'ai découvert comment ça s'appelle, un compte Instagram justement qui m'a fait changer un peu de vision Ah vis-à-vis du ouais? maquillage. Ouais, c'est menteur-menteuse. Et D'accord, oui. en Alors, gros, bah, tu elle. m'as envoyé. Ouais. Ouais, c'est Oui, ça, bah, c'est lui. raconte, c'est vrai que c'est Ouais. très intéressant. En gros, je crois que c'est une fille qui fait ça. Elle prend les photos des stars. Je crois qu'il y a David Guetta en plus dedans aussi. Et en gros, elle montre D'accord. tous les fails, le Photoshop, ou alors la Ah story de oui. la star et la photo qui a été Ouais. prise par un paparazzi. Et en Ah fait, oui, on voit d'accord, que ouais. c'est full filtre et tout. Enfin, Oui, des trucs dans le genre. On ça voit fait tous les trous. relativiser, bah oui. C'est vrai Bah, qu'on peut ouais. mettre les stars sur un piédestal, se dire que voilà, elles sont magnifiques sans aucun défaut, et là, elles Ouais. montrent le gros fossé qu'il peut y avoir. Ouais, ça Ah doit oui, pas c'est faire vrai, plaisir aux stars d'ailleurs ouais. de voir Non, que des d'ailleurs, photos fuites comme elle ça. montre souvent, il la bloque. Ah Pour bah pas qu'elle oui. voit. Ah bah Du oui, coup, ouais. j'avoue. Oui, ça du coup, ça t'a aidé à un peu parfois ne pas te maquiller, par exemple. Alors, ne pas me maquiller totalement, j'y arrive pas du tout. Ouais, Mais c'est ce que je vais te on va demander. dire Tu peux que. pas, quand tu sors dehors, tu peux pas ne rien mettre du tout. Non, je mets minimum fond de teint et trucs pour les sourcils. Ah d'accord, c'est ça ton minimum. Donc par Ouais. exemple, si tu dois juste aller chercher ton courrier, il faut que tu aies au moins fond de Ah teint non, et pour le sourcils courrier. faits. Ah non, le Ah. courrier, je m'en fiche. Enfin, on va dire c'est vraiment dans D'accord. la rue. D'accord, c'est dès que tu passes la porte, d'accord, Ouais, de c'est ça. l'immeuble peut-être. Et Ouais. du coup, chez toi, est-ce que tu ressens le besoin d'être maquillée aussi ou là, tu fais une différence? Bon, non, je ressens pas forcément le besoin parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui me voient ou quoi. Ou bah Ouais. ça dépend des moments. Genre par exemple, si je sais que ma mère va venir ou mon copain ou quoi, je vais potentiellement un peu m'apprêter, mais, D'accord, mais ouais. non, pas forcément. Par exemple, là, je suis démaquillée, D'accord. quoi. D'accord. Donc c'est on peut dire c'est pour le dès qu'il y a le regard des autres, quoi, que tu Oui, as plus oui. besoin de bah, pour beaucoup, hein, bien sûr, c'est pour ça. Qu'on a choisi ce thème-là, c'est que même si on peut dire que c'est aussi pour se faire plaisir à soi, etc., très souvent, c'est quand même associé au fait de voir des gens et qu'ils nous voient aussi. C'est vrai que c'est rare peut-être de se maquiller toute seule chez soi, puis d'aller se coucher, de se démaquiller, d'avoir vu personne. Je ne me rends pas compte, chers auditeurs, si vous avez un avis différent, dites-nous, hein, mais j'ai l'impression que c'est toi, quand tu en parles autour de toi, tes amis, tes copines, tu vois que c'est aussi cet esprit-là, non? Pas tous, on va dire que j'ai des amis qui me disent ne pas me maquiller, que ça sert à rien, etc. Et il y en a D'accord. qui ont le même avis que moi. D'accord. Ok. Mais C'est un elles petit vont jeu. rarement se maquiller pour elles-mêmes et ne voir personne alors qu'elles se sont super bien apprêtées. Ah Enfin, si, tu peux si, pas ça savoir, arrive. cela dit. Même D'accord. moi, en fait, des fois, je me maquille pour moi-même, quoi. Juste parce que ça D'accord. me fait plaisir de me faire un trait de liner ou des trucs dans le genre. D'accord. Mais on va dire que Et dans pour ces cas-là, sortir, ouais, on va dire c'est que un pour peu un sortir, incontournable. ouais, c'est ça. Et donc, ça t'est arrivé de savoir que tu n'allais pas voir, enfin que tu n'allais voir personne, et de quand même aller te maquiller en passant dans la salle de bain, juste pour toi, tu dis Ouais. un trait de liner par exemple. Et dans Ouais. ce cas-là, est-ce que c'est aussi pour tester quelque chose, tester une nouvelle façon de faire ou est-ce que c'est juste pour être contente en passant devant le miroir? Alors, un peu des deux, j'avoue, Ouais. pour le plaisir de se voir, enfin, après été et tout. Et aussi parce que je teste beaucoup des trucs, des traits de liner épais, des traits plus fins, D'accord. différentes D'accord. teintes, etc. Ouais. Ouais, Mais parce tu que j'ai beaucoup de sais, enfin, maquillage, c'est quoi. vraiment un. Ouais, on va tout à l'heure, on va avoir une photo publiée sur Instagram pour montrer ton nécessaire à maquillage. C'est vrai ton maquillage est assez dense. Et d'ailleurs, tu peux nous dire ton budget, peut-être? Est-ce que ça doit ça... sans doute dépendre des moments, mais. Oui, ça dé... c'est sûr que ça dépend des moments. Là, par exemple, ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas acheté de maquillage. D'accord. Quand j'y vais, je pense que je dois dépenser genre 50 euros. Enfin, parce qu'après, mes Ouais. marques préférées, elles sont assez chères. Par exemple, D'accord. MAC ou quoi, c'est assez cher. Ouais. Donc, je sais que par Ah exemple, oui. le crayon à sourcils, c'est 20 balles. Ah oui, Donc, d'accord. voilà. Donc, je me dis, bon, minimum 50 euros. Enfin, maximum même. Pas non Oui, plus. d'accord. Mais oui, c'est un sacré budget, forcément, Ouais. Mais après, si je tu veux fais des produits ça de tous les qualité, 6 mois, etc. quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais après, tu conserves en fait les produits assez longtemps, c'est ça? Pour Oui, avoir oui. plus de choix. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que l'été, par exemple, tu te maquilles moins? Est-ce que tu vois une différence quand tu es en Bah oui, vacances? ouais, en été, ouais, parce que bah déjà la plage et tout, et le Ouais. mascara, ça devient pas du tout, on ressemble à un panda à la fin de la journée. Du coup, j'en mets D'accord. pas du tout. À la rigueur, je me Même fais les sourcils. du waterproof. Ouais, non, ça me pique les yeux et tout, c'est horrible. Ah, d'accord. Du coup, OK. je me fais juste les sourcils et c'est parti. D'accord. Et est-ce que tu as déjà pensé au maquillage permanent pour ne notamment pour les sourcils, pour ne pas avoir à le faire régulièrement et pouvoir être Oui. tout le temps maquillée? Ouais, c'est vrai que j'ai pensé pour les sourcils, mais ça coûte quand même assez cher. Du Mmh. coup, bah, Ouais. j'ai jamais vraiment sauté le pas. Et j'avais aussi Mmh. pensé faire comme ma maman, le trait de liner. Ah, elle a Mais fait ça fait ça en extrêmement permanent? mal. Ouais, Ah, ça c'est fait vrai? extrêmement D'accord. mal, donc Ah, ok. j'hésite. Ah ouais. Et est-ce que elle l'a fait il y a longtemps? Est-ce que la tenue est assez bonne dans le temps? Alors, ouais, d'après ce que je me souviens, elle l'a fait il y a longtemps. Et la tenue est cool. Bah, après, au bout d'un... En fait, c'est comme un tatouage, hein, Oui, le rien. Donc, d'accord, le ça procédé vire est le comme un même. tatouage. Hein. Ouais. Je me rappelle D'accord. qu'elle a fait une retouche, mais je me rappelle que de la retouche, en fait. Donc, c'est pour ça. D'accord. Et Puis, c'est comme un du coup, tatouage. ça lui a fait très très mal. Oui, bah c'est une peau fine, la paupière, donc l'œil gonfle. Oui. Enfin, ça n'a pas gonflé Bah non plus ouais. énormément, mais c'est quand même très très sensible Ouais, cet assez endroit-là. sensible. Bah oui, il n'y a pas, oui, bien sûr, il n'y a pas de produit miracle. Tu sais, pour les Ah vaccins, bah. parfois, on peut mettre un patch un peu anesthésiant. Mais là, oui, sur les paupières, c'est vrai, Ah ouais, non, je là c'est connais pas complexe. beaucoup tout ce qui est maquillage permanent. C'est intéressant, ça pourrait faire le sujet d'un thème d'ailleurs. C'est Mais vrai, oui, du c'est vrai. coup, il y a ce côté douleur qui est quand même à prendre en compte, c'est sûr. Ah ouais, Et donc il faut... du coup, ouais. Non, c'est bon, t'inquiète. Du coup, la pression sociale peut venir de notre entourage direct, mais aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux par rapport à ça. Toi, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Ah bah, alors je vais aller directement dans mes réglages pour aller voir ça en live. Ouais. Alors, par exemple, Instagram, en moyenne, je passe 45 minutes par jour, d'après mon D'accord. truc. Par exemple, Snapchat. Bon, après, Snapchat, c'est plus pour parler, par exemple, des cours ou quoi. Donc, en moyenne, j'y passe 1h30. Et D'accord. Facebook, j'y vais pas du tout. D'accord. OK. Et ça, d'accord. C'est là la moyenne qui est donnée, c'est assez révélateur du temps que tu passes au quotidien, tout, Ben, enfin toute l'année, quoi. là, on va dire qu'il y a les révisions, donc j'y suis moins. Je pense qu'on peut rajouter 40 minutes en plus quand il n'y a pas les révisions. D'accord. Et quel impact tu dirais que les réseaux sociaux ont sur ton utilisation du coup du maquillage? Je pense qu'ils ont un grand impact parce que rien que de voir les pubs, les filles qui présentent de nouveaux maquillages, les marques qui sortent de nouvelles choses, ben en fait, ça crée une envie. Et même ça, quand on voit les filles se maquiller ou quoi, on se dit c'est vachement beau sur elles, pourquoi ça serait pas beau sur Ah nous? Du coup, on testerait, oui. tu vois. Ouais, on s'identifie Ouais. et ouais, Ouais, c'est ça donne ça, ouais. envie. Et est-ce que par exemple, si t'es pas maquillée, si t'es chez toi, voilà, tu t'es pas spécialement maquillée, si tu passes pas mal de temps, par exemple, sur Instagram à regarder des photos de voilà de youtubeuses, etc., enfin d'influenceuses, pardon, beauté, très bien maquillée, est-ce que ça va de Oui. temps en temps t'inciter à passer à la salle de bain? Ouais, clairement, ouais. Ouais. Ouais. D'accord. À ton rire assez souvent, c'est ça ou... Oui. Donc, C'est tu peux vrai avoir eu que la je le flemme, fais mais là, beaucoup, tu te ça. dis, hein. D'accord, ouais. Ouais, ouais, parce que je me dis, bon, faisons un effort. Du coup, est-ce que tu trouves que... Enfin, là, aujourd'hui, tu dirais que tu te maquilles trop, que à l'avenir, tu aimerais te maquiller moins, ou non, c'est un loisir, un plaisir, et c'est... Tu veux continuer comme ça? Bah, je dirais que ces temps-ci, je me maquille moins, donc c'est plus devenu un plaisir, on va dire. Je me D'accord. maquille de moins en moins pour les autres, quand même. Bah, un peu grâce D'accord. au compte Instagram que j'ai dit. Confinement. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ouais, j'essaye quand même de me maquiller moins, enfin, rien que pour ma peau, enfin, c'est pas très bon tout ça. Donc, Oui, même d'accord. si on se Ouais, donc démaquille t'as... bien, bon, on reste. Oui, tu as raison déjà, c'est Ouais. important. Et puis, c'est aussi le choix des produits que tu fais. Ils Oui, c'est peuvent ça. être formulés pour vraiment être plus... laisser davantage la peau respirer, etc. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu aurais quand même tendance à te dire que l'idéal serait de pouvoir se maquiller moins, c'est ça? Oui. Ou Bah, au ou contraire, tu alors pourrais se te dire, ah, maquiller. j'espère me maquiller de plus en plus et de mieux en mieux. Bah, le truc, je pense que le mieux, c'est de se maquiller, mais pour soi. Tu vois? Oui, Genre, je vois. même si je pense que j'aimerais mieux, enfin plus, ne plus me maquiller, genre par exemple, je dois aller chercher du pain, bah, je me mettrais quand même quelque chose, mais je pense que c'est mieux de plus avoir ce truc de dire je sors dans la rue donc je me maquille, tu vois. Ouais, je vois. Oui, d'accord. Que ça soit Ou pas une alors juste pour obligation. soi-même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Que ça soit plutôt soit pour des événements ou parce que tu as une tenue dont tu es contente et tu veux vraiment être apprêtée, mais pas une obligation quand tu vas acheter quelque chose rapidement de devoir te maquiller avant. Oui, voilà. Alors, on a une intervention de Léo. Est-ce que Léo se Oui. maquille? Bonjour mesdames, je vous écoute depuis le début là et c'est vachement intéressant. Donc oui, je suis un homme et je m'intéresse au maquillage. J'avais une simple petite question à vous poser. En général, vous préférez, enfin, comment dire, par rapport à votre comportement, vous préférez vous maquiller pour vous-même ou par rapport aux autres? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Salut Léo, merci pour ta question. Bah, c'est intéressant, on l'a un petit peu évoqué. Toi, Camille, tu dirais que c'est quand même quand tu croises, quand tu sais que tu vas voir des gens Bah, avant quand tout. je sais que je vais voir des gens, bah, je vais me maquiller. Enfin, voilà, je serai pas bien si je suis pas maquillée. Mais c'est vrai que quand je fais par exemple des maquillages avec le fard à paupières, le machin et tout, c'est plus pour moi. Parce que ça me D'accord, oui, passionne un peu c'est... quand même de faire Ouais. des smoothies, des trucs dans le genre, tu vois. Ah oui, ah, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé souvent. Après, tu vas immortaliser ton joli maquillage sur les réseaux sociaux. Tu es active aussi dessus, en fait. Bah, je le garde la plus souvent, la plupart du temps, je le garde pour moi, ou alors je l'envoie à ma mère ou mes amis, D'accord, ok. mais vraiment, je le fais pour moi quand je fais des trucs un peu artistiques, on va dire. D'accord, ok. Mais si tu fais, par exemple, enfin, est-ce que tu peux être amené à faire, t'as dit des stories, je crois, sur Oui. Instagram, et du coup, est-ce que tu fais attention au maquillage juste avant de la faire aussi? On parlait du fait de sortir dehors, Mais du coup, là, il y a une autre dimension avec le fait de s'immortaliser et de se publier sur les réseaux. Est-ce que toi, tu vois aussi un lien? Ouais, c'est vrai que je vois un lien parce que en soi, la story d'Instagram, tout le monde peut la voir si on est en public. Et moi, je suis en public, je crois. Donc, oui, c'est sûr que je fais attention. Mais généralement, quand je fais une story Oui. Instagram, soit je suis dehors, donc je suis maquillée, soit D'accord. je sais que je vais bouger dans la journée, et soit je me serais fait plaisir avec fard à paupières, toute la clique le matin. Et du coup, je sais que D'accord. ça va, quoi. Je D'accord, oui. suis visible. Alors, tu dis je suis visible, ça veut dire, est-ce que tu imaginerais faire une story sans filtre aux sorties du lit? Ah non, vraiment Bon, pas. ça, voilà, c'est pour toi, une fois qu'on se publie, entre guillemets, il faut du maquillage en général. Enfin, pour toi, hein, je veux dire, dans tes habitudes actuellement. Pour moi, je dirais oui. Après, les autres, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Et même, je trouve que c'est mieux de pas penser comme moi pour cette histoire, tu vois. Parce qu'il faut Ouais. s'accepter comme on est. Oui, d'accord. Dans un monde idéal, ce serait ce vers quoi il faudrait Ouais. tendre. Mais là, actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que du coup, il y a toute cette dimension-là de se dire, même si je suis chez moi toute seule, tranquille, si je montre mon visage chez moi quand même, mais si je le montre, eh ben, il faut un minimum de être apprêté, un minimum, quoi. Donc ça, Oui, vraiment. Ouais. je pense que c'est assez courant. Pour nous les filles, hein, je reconnais que moi-même, si je suis amenée, je le fais pas énormément, mais si je suis amenée à diffuser mon visage, oui, ça va être important quand même d'avoir été peut-être un peu Ouais. maquillée avant. Et bah, très intéressant. Alors là, on va passer aux questions un peu type. Déjà, fais-nous rire, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais une faute, une gaffe inavouable ou avouable que tu aurais faite avec un produit de beauté mal utilisé? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter ou pas? Alors, c'est pas une faute inavouable parce que je crois qu'elle est en Oui. train d'écouter d'ailleurs, mais elle le sait. Ah, Mais je lui avais cassé son liner à ma mère du coup, parce que d'accord. c'était les premières fois où je me maquillais, donc c'était le Ouais. week-end quand elle m'autorisait à prendre son maquillage, et j'avais fait D'accord. un liner mais horrible en plus il faisait Ah, la moitié de ma d'accord. paupière le truc. Et je lui avais tout liquidé. En plus, c'était un truc en D'accord. com et tout. Ah, oh là là. Ah oui, ok. Et elle l'avait su du coup directement. Quand je suis arrivée, l'œil noir, elle a Ah, compris. d'accord. En effet, c'était un gros indice. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est assez délicat hein, à faire le Ah trait de liner. parce que on fait un C'est trait de sans doute liner un d'un des. côté, l'autre il est un peu plus épais, on veut Bah épaissir celui qu'on a oui, fait en premier et on finit, on se tout moquille. à fait. Oui, ah là là. Moi, quand j'ai débuté les traits de liner, ma technique, c'était de prendre des cotons-tiges et les imbiber de démaquillant pour un peu effacer le surplus d'un côté. Mais bon, c'est sûr qu'après, une fois qu'on est habitué à sa forme d'œil, c'est beaucoup plus agréable et plus Ouais. rapide. Faut avoir le coup Et de main. ouais, c'est ça. Alors, Léo. J'aurais voulu savoir aussi votre avis sur le fait que pensez-vous que, à l'heure actuelle, la société dans laquelle on vit, on est matrixé par rapport au fait de devoir, enfin, que les femmes doivent se maquiller. Parce que par exemple, je vous écoutais parler, et le fait de concevoir le fait de pouvoir sortir de chez soi et se dire, ah, il faut que je me maquille, c'est pas plutôt une tare. Alors que moi, je pense que le maquillage devrait plutôt rester un plaisir et pas non plus une obligation dans la peur en fait de se faire juger. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. T'as raison, Léo. Enfin, pour ma part, c'est aussi pour ça que le titre de ce live est un peu orienté. Quand on dit pression sociale et maquillage, il y a un côté un peu négatif. C'est vrai que a priori, dans notre rapport au maquillage, il y a une vraie influence de ce que les autres vont penser. C'est comme le fait Camille par moment. Pour se faire plaisir, s'amuser, être créative et laisser parler sa créativité. Mais je pense que principalement, c'est aussi parce qu'on sait que pour être apprêté, il faut s'appliquer du maquillage. Et si d'un coup, je sais Ouais, pas je pour suis toi d'accord. Camille, mais si d'un coup je sortais dans la rue et que plus personne n'avait jamais de maquillage, je pense que j'en appliquerais quand même moins du coup. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc Mais c'est a priori oui. c'est comme ce que j'ai dit, il faudrait plus que ben justement on puisse sortir sans maquillage. Je suis d'accord avec lui, hein, Oui, parce que ce ouais. besoin de du, enfin genre le regard des autres et tout, on devrait s'en fiche en fait. Bah oui, ouais, Mais c'est au sûr. fond, on s'en fiche pas. Bah ouais, c'est ça. Ou alors, il faut sans doute du temps travailler dessus sur le long terme, mais Oui, ouais. selon l'âge qu'on a, etc. Et pour l'instant, ne nous dévoile pas ton âge, justement, chers auditeurs. Dans un instant, je vais vous inviter à deviner l'âge de ma belle invitée Camille. Mais je pense qu'avec les années, peut-être qu'on arrive un peu à s'en détacher. Pour ma part, il y a une énorme différence entre mon adolescence où c'était indispensable, incontournable pour moi de d'être maquillée pour sortir, et aujourd'hui où voilà, là j'ai quand même une distance un peu supérieure, et parfois pourquoi pas la flemme aussi peut l'emporter sur le besoin de se maquiller. Alors nous avons d'autres des réactions. Bonjour à toutes les deux et merci pour l'émission. J'ai une question pour l'invité du jour. Est-ce que tu penses que le maquillage, ça fait partie de toi, de tes hobbies, enfin comme on peut aimer lire, dessiner ou faire de la cuisine? Ou est-ce que tu penses que ça fait partie de ton éducation et que si tu avais Ah. grandi ailleurs à une autre période, t'aurais pas aimé tout ce qui est s'apprêter, la beauté, le maquillage du coup? Voilà, bah merci beaucoup pour la réponse. Merci, Cambazar, pour cette intervention. Alors, Camille. Bah alors moi je dirais plus que c'est un hobby quand même. Parce D'accord. que enfin j'aime beaucoup regarder des vidéos de maquillage, de trucs sans forcément me maquiller après en fait. Mais juste pour Ouais. le plaisir, les marques, découvrir des nouveaux Ouais. trucs, les tester. Enfin j'ai toujours aimé L'univers, tout ça. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Y a toute une part, en plus avec tout le marketing autour, de Ouais, c'est rêve ça. et de. Ouais, la mise en beauté, c'est vite passionnant Bah de oui. voir tout ce qu'il est capable, Eh ce qu'on peut faire. Et en plus, en s'entraînant, on voit vraiment qu'on progresse. Donc, on est de ouais, plus en ouais. plus fier de ce qu'on peut créer Mais et oui, tout. ouais. Et les marques, elles font de Ouais. nouvelles palettes, des nouveaux trucs. Par exemple, Too Faced, ils font des Oui. palettes au chocolat, font des trucs dans le genre, quoi. Ah Enfin, oui. je trouve ça quand même cool. Ah ouais, c'est vrai que le marché de la beauté est très dépendant de tout ce qui est innovation. Et d'ailleurs, ça peut être problématique parfois pour les marques parce qu'il y a une course à l'innovation dans la concurrence. Elles sont obligées du coup de s'adapter au fait que les concurrents sortent des produits très régulièrement, notamment maquillage. Sauf qu'une marque ne peut pas se permettre de proposer de plus en plus de produits. Elle est obligée d'en supprimer d'anciens pour sortir les nouveaux. Et parfois, Ouais. les clients peuvent être un peu perdus. C'est le revers de ce phénomène. Alors, on a une intervention de Astrée. Moi, Merci. je Salut, pense que Astrée. Camille a 20 ans. Ah, alors ça y est, Astrée est passée À à l'âge. l'estimation de ton âge. Alors, chers auditeurs d'En beauté imaginée, vous le savez peut-être maintenant, les auditeurs, en effet, imaginent un peu qui est ma belle invitée. Et donc ce soir, est-ce que Camille vous a donné des indices peut-être sur son âge? Dites-nous quel âge vous pensez que Camille a. En attendant, on va écouter l'intervention de Léo. Merci beaucoup Léo pour ta participation active. Oui. D'accord, parce que moi je prends mon cas personnel, enfin moi j'ai 30 ans, oui. Et je vois par exemple ma compagne quand je l'ai rencontrée, quand j'étais plus jeune, quand on s'est rencontrés, à se maquiller beaucoup. Et je lui demandais pourquoi elle se D'accord. maquille. Et elle me disait qu'en fin de compte, bah, je me maquille bah, parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle se sent obligée de le faire. Et je Ah lui ai dit, mais oui. dans ces cas-là, te maquille pas. Et donc du coup, avec les années, elle a arrêté de se maquiller. Et en fait, il s'avère qu'elle a une peau magnifique sous son maquillage. Après, je ne dis pas non plus qu'elle mettait Ah. énormément de maquillage, mais je trouve que, enfin, la beauté naturelle, je trouve que c'est mieux. Ok, d'accord, le maquillage, ça embellit un visage, ça le met en avant. Mais le fait des fois de ne pas être maquillée, enfin, je trouve que c'est mieux. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Ouais. C'est vrai que parfois on peut se demander si à force d'utiliser beaucoup beaucoup de maquillage, de suivre toutes les tendances, d'avoir une peau parfaite et de porcelaine, si en fait on n'est pas en train juste de répondre à des modes un peu destinées aux femmes qui ce qu'on parle les unes les autres, alors que finalement, parfois, si on pensait plus séduction, enfin, le maquillage au départ pourrait avoir une vocation de séduction, est-ce que vraiment les hommes aiment voilà, ce côté très voilà, teint de porcelaine et un peu visage parfait qui ne révèle pas la vérité du visage? Ça, Bah. c'est une grande question. Bah, c'est vrai que par exemple, si je me fie à la vie de mes frères, eux ils Ouais. détestent le maquillage. Ah, Genre, d'accord. un de mes deux frères, une de ses, un jour j'ai fait les sourcils à sa copine Ouais. et il n'était pas content du tout. Ah oui, d'accord. Il t'a reproché. Ouais, Tu l'as il dit non, corrompu. laisse-la naturelle, elle est belle et Ah tout. ouais. Ah bah ça, Ouais. c'est une belle phrase, j'avoue. Ouais, non, c'est Ouais. intéressant. Au départ, est-ce que d'ailleurs, ça dépend si c'est dans une logique de séduction au départ, hein. Il faut voir. Parfois, c'est peut-être juste pour être ne pas se faire remarquer comme étant celle qui ne se maquille pas, un peu se fondre dans la masse des autres femmes, puisqu'on s'identifie aux autres femmes, forcément. Donc, Oui, c'est vrai. est-ce que quand le maquillage a une vocation de séduction, est-ce que c'est vraiment très pertinent? Ah. Alors, on a Fan Mystère Moi, qui je pense qu'elle intervient. a 18 ans, Salut. à mon avis. 18 ans. Nous avons Léa Carbo. Moi, Salut Léa j'aurais dit Carbo. 21 ans pour Camille. 21 ans. Salut Bah, moi, je pense que Esther. Camille, elle doit avoir entre 20 et 25 ans à peu près. D'accord. Salut Alors, moi, Florent. je suis d'avis que la... Ah, alors j'ai une autre partie. Je suis d'avis que la beauté naturelle est mieux que celle avec le maquillage, forcément. Mais oui, c'est joli un visage maquillé, mais je préférerais toujours, je pense, un visage naturel ou alors un maquillage qui fait très naturel, très léger. Ah, intéressant. Bah, disons que là, pour l'instant, nos deux interventions masculines sont plutôt pour le naturel. Le Que nous naturel. dit Manon? Après, il faut voir aussi quelle est la part de complexe éventuel qu'on a. Et il vaut mieux peut-être pouvoir s'assumer en étant bien maquillée et être plus à l'aise, aller plus vers les autres, que sortir dans la rue et ne pas avoir de maquillage et du coup se sentir mal et regarder ses pieds. Parce que ça peut Oui, c'est aussi être vrai. parfois une réaction. On se dit, oh là, je suis pas bien maquillée, je ressemble entre guillemets à rien. Donc, du coup, on est un peu plus introverti. Donc, si ça peut aider à s'assumer davantage, je pense que dans ce cas-là, c'est un atout. Mais c'est intéressant d'avoir les avis comme ça. On a Manon qui devine peut-être Moi, ton j'avais une âge. petite question pour toi, Camille, parce que du coup, comme il y a Léo, voilà, qui donne son point de vue, enfin un point de vue masculin, qu'est-ce qu'il en pense, ton copain, par rapport au maquillage? Oui, tu as évoqué tes frères et tu as évoqué avoir un copain tout à l'heure. Bah, du coup, l'avis de mon copain, vous venez de l'avoir. Donc, il aime pas trop le maquillage. C'est Florent. Oui. Salut Florent, le copain de Camille. Il n'a pas deviné, c'est bien. Il n'a pas donné son estimation de ton âge parce que j'imagine quand même qu'il Oui, la il est au connaît. courant. Donc tu avais déjà conscience, j'imagine que il aimait bien plutôt le Oui, côté naturel, ouais. du coup. Bah, Pas de on en scoop. avait déjà parlé on en avait déjà parlé à peu près de pourquoi je me maquille, etc. Et ça, c'est vrai que du coup, ça doit te donner davantage confiance et envie d'aller vers peut-être un maquillage plus discret ou plus occasionnel, non? De savoir que la personne qui te voit vraiment sans filtre, on peut dire, aime bien te voir comme ça. Bah, c'est sûr que les personnes proches de soi, quand elles te disent que bah non, t'as pas besoin de maquillage, t'es jolie, que tes sourcils me vont Ouais. bien, que machin, des trucs dans le genre, Ouais. c'est sûr que ça fait prendre un peu confiance, tu vois. Sauf Ouais. que au fond de moi, je me dis, ouais, mais ils m'aiment, les gens proches de moi, donc Ah ils vont oui. pas avoir un avis, Ils sont pas tu vois. objectifs, c'est ça, sur Voilà, ta c'est ça, beauté. exactement. Voilà, je me dirais Ouais, je toujours vois. ça. Ouais. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un côté en caricaturant, mais quand on se maquille, c'est un peu si on doit rentrer dans la cage au lion des inconnus et d'autres femmes très bien maquillées, on se dit, je ne sais pas sur qui je vais tomber, là, il faut que pour être à l'aise, j'ai besoin d'être bien maquillée aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Dès qu'on voit des inconnus, ça Si. change encore Ouais, un c'est peu. ça. Ouais. Alors, je continue. Nous avons Emma qui va deviner peut-être ton âge. Bonjour. Salut Emma. Alors moi, par rapport au maquillage, j'ai commencé cette année timidement. J'apprends doucement mais sûrement. Mais j'ai surtout décidé de commencer parce que bah, déjà, je suis petite de taille. Ah, J'ai pour faire longtemps plus âgé, pour eu paraître plus âgé. tendance à m'habiller un peu comme une adolescente alors que j'ai 20 ans passés. Et pour moi, bah, le D'accord. maquillage, c'est une manière de faire un peu plus femme, de faire un peu plus mon âge en fait. D'accord. Ah ouais, ok. Et du coup, Emma, est-ce que tu dirais que dans 10 ans, par exemple, si à la trentaine, tu fais davantage ton âge réel, est-ce que tu penses que tu te maquilleras moins du coup? Et on a Léo qui intervient Moi aussi. personnellement, je trouve qu'en termes de séduction, une femme est plus jolie au naturel qu'en se maquillant. Après, ça va être peut-être un peu personnel ce que je vais dire, mais enfin, quand on voit le temps que vous passez à vous maquiller, je préfère passer du temps, un truc tout bête, ma compagne quand elle se maquille, elle perd à peu près un quart d'heure, une demi-heure à se maquiller. Je préfère qu'elle me fasse un quart d'heure de bisous ou que je fasse un petit massage, un micro-massage d'un quart d'heure, plutôt qu'une perte de temps et c'est mieux dans un sens. Bon, après, c'est que mon avis personnel. Et entre parenthèses, je pense que l'invitée de ce soir doit avoir la vingtaine, puisque elle disait qu'elle était en études. Donc, je dirais pas plus de 20 ans par là. D'accord. Et alors, bah, Léo, du coup, oui, bah, c'est plutôt positif ce que tu dis. Ta compagne doit être ravie, surtout si elle voit ça comme une corvée. Parce que c'est vrai que si on le transforme un peu en plaisir et qu'on est dans une démarche de créativité, par exemple, qu'on a une page Instagram où on montre nos talents, etc. Là, du coup, c'est un plaisir, donc c'est un petit peu différent. Par contre, c'est sûr que si on passe du temps et qu'on s'énerve sur le trait liner qui n'arrive pas à être symétrique des deux côtés, là, ouais, c'est un peu dommage. On peut se dire de perdre ce temps-là. C'est sûr, C'est c'est vrai. sûr. Alors, du coup, Camille, révèle-nous ton âge. Est-ce que Eh les ben, j'ai auditeurs 20 ans. avaient vu juste 20 ans tout pile? Ouais, tout pile. Ah ouais, donc ils sont bien tombés là, je crois. Dans l'ensemble, on a eu de bonnes J'étais estimations. démasquée. C'est ça. Et une autre info, chers auditeurs, que j'aimerais que vous deviniez concernant Camille, c'est le temps qu'elle passe dans la salle de bain le matin. Donc pour une journée classique, une journée de cours, pourquoi pas, hors cas de confinement, voilà, le temps qu'elle passerait, tout compris, douche comprise aussi. Selon vous, combien de temps passe Camille dans la salle de bain? Ah bah Léo? j'avais bien raison, elle avait bien 20 ans. C'est bien ce que je Ouais, disais. bien joué Léo. Bien joué, bien joué. On a également Radio Pirate. Salut Radio Salut à Pirate. vous. Je viens d'arriver donc j'ai pas suivi dès le début, désolé. Pas de souci. Si vous pouvez m'éclairer un petit peu quand même sur le fil conducteur qui est maintenant, pour pas être trop à la ramasse, ce serait cool. Puisque bon, pression sociale, maquillage, ça me titille. Je suis très Ah, intrigué, intrigué. intéressé par ce que vous avez à dire etc. Alors, pour te faire un court Merci. résumé, Radio Pirate, on s'intéresse du coup au témoignage de Camille, qui a donc 20 ans, dans son rapport au maquillage et l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux, notamment sur son rapport au maquillage. On est arrivé, je pense, à la conclusion que Camille apprécie tout ce qui est maquillage, l'univers des marques de maquillage, etc., et des influenceuses beauté, mais qu'en parallèle, elle aurait quand même une tendance à se maquiller pour le regard des autres et que c'est peut-être quelque chose qui, pourquoi pas, pourrait être amené à diminuer avec le temps. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce résumé, Camille? Non, tu l'as très bien fait. Ça va. Ça ne trahit pas ce que tu penses. Parfait. Non. Alors, du coup, est-ce que Astrée va deviner le temps que tu passes dans la salle de Dirais bain? qu'elle passe entre 30 et 40 minutes. 30 et 40. Je Que va nous pense qu'elle dire doit Manon? passer au moins 15 minutes à se maquiller. au moins genre 10 minutes, peut-être se laver le visage, se laver les dents. Et après, si elle prend sa douche, je pense qu'elle rajoute encore un quart d'heure. Donc en tout, elle peut passer au moins 40 minutes, je pense, dans la salle de bain. D'accord, donc on a entre 30 et 40 pour Astrée, 40 pour Manon. Alors Camille, dis-nous tout. Je passe 40 minutes à peu près, oui. Ah d'accord, donc c'est ça. Et le Ouais. maquillage en tant que tel? Ça va dépendre, on va dire. D'accord. Si je suis déterminée à faire tout le full make-up, on va dire que je vais Ouais. vraiment passer 20 minutes à peu près. Parce D'accord. que enfin, si je fais un liner, enfin, c'est infernal ça. Mais si vraiment je suis pas déterminée, je me fais juste fond de teint sourcil et cils, je passe allez, 10 minutes. D'accord. C'est le minimum Ouais. 10 minutes, c'est voilà, Ouais. pour être Pour le visible, maquillage, comme tu disais tout à l'heure, pour utiliser ton expression. D'accord. ouais. Pour info, là, il y a au live, à un des lives précédents, j'avais regardé que la moyenne des Français était entre 15 et 30 minutes, tu vois, dans la salle de bain. Donc Ok. là, tu serais un petit peu au-dessus, pour info. Je suis pas dans la norme. Ah voilà, oulala. Bah, c'est Bah sûr que le maquillage, ça prend du temps, donc c'est que tu aimes ouais. t'apprêter et tout. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Hein, et c'est toujours. Enfin, on aime bien aussi prendre soin de soi, de toute façon. Là, c'est sûr qu'on s'intéresse un peu au côté un peu négatif éventuellement du Du rapport au maquillage. maquillage. Donc, c'est ça. Alors, pendant que je poste sur Instagram ta photo mystérieuse, Camille, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire peut-être ce que tu fais dans la vie, tes hobbies? Alors, du coup, moi, je suis en licence BGC, donc biologie, géosciences, chimie, à la D'accord. fac. Du coup, je suis en première année. Ok. Actuellement, je passe mes partiels. Et Ah, pas sinon, facile. ouais. Sinon, niveau hobby, j'aime bien lire. J'aime bien le maquillage. Ouais. J'aime bien avoir des trucs basiques, quoi, sortir avec mes amis, des trucs chill, quoi. D'accord. Ok, super. Et qu'est-ce que tu aimerais, puisque là tu es dans une filière scientifique, est-ce que tu aimerais travailler, pourquoi pas, dans l'univers de la beauté et des cosmétiques? J'aimerais bien, pourquoi pas, aller vers de la cosmétologie. Ah Parce ouais. que c'est vrai que, hormis le maquillage, il y a aussi les produits soins, les trucs, les produits naturels, enfin tout ce qui est Ouais. composants et tout, en fait, qui peuvent Ah être oui, les allergènes, formulations, etc. etc. Ouais, c'est C'est ça. vrai, c'est très très riche d'informations. Et ouais. Ouais, Donc, tu c'est aimerais vrai. bien Et joindre ta passion à ton travail, pourquoi pas, en ouais, choisissant cette pourquoi voie. pas, ouais. Intéressant. Alors, du coup, nous avons deux interventions. Direction mon Instagram, beauté imaginée, tiré du 8 entre les deux mots, pour découvrir la photo que Camille a bien voulu partager avec nous ce soir, et la photo de sa salle de bain, en l'occurrence de son tiroir à maquillage. Alors, Radio Ok, Pirate. d'accord, merci. Et pression sociale, du coup. Bah, est-ce que vous ressentez une pression sociale et quelle est-elle? Et est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est pas plutôt dans votre tête? Merci. Alors, si tu veux participer au quiz juste après vrai-faux, tu verras que c'est pas forcément que dans notre tête qu'il y a une éventuelle pression sociale. A priori, chez les femmes, les jeunes femmes, c'est quand même assez courant de parler d'influence des réseaux sociaux sur notre vision de nous-mêmes et du maquillage, du coup, indirectement, parce que c'est une façon, parfois, pourquoi pas une carapace pour certaines personnes pour réussir à mieux s'assumer quand d'autres personnes vont être très à l'aise avec leur naturel et ne pas se prendre la tête. Donc, c'est un vrai sujet, je pense. Alors là, je suis un peu inquiète parce qu'il y a Maï Gros Zizi qui veut intervenir, mais on va voir Le si maquillage, c'est il une a un pression avis. sociale. D'accord, ok. Mais quand vous dites que vous vous maquillez pour vous-même, c'est quoi du coup? Parce que je comprends pas en fait. Puis quand vous êtes en week-end, le dimanche, toute seule chez vous, vous vous maquillez pas en fait. Vous vous maquillez que pour sortir. Donc faut arrêter les contradictions. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, mais la vie n'est qu'un éternel paradoxe, je pense. Et tout ce qui touche à la psychologie humaine l'est d'autant plus. Et là, pour le coup, au niveau du maquillage, je crois vraiment que le paradoxe est vraiment très fort. Tu as raison, hein, c'en est un, parce que on prétend que ça nous fait plaisir de le faire, en tout cas dans certains cas. Mais c'est renforcé. Il y a quand même une sorte d'obligation officieuse à le faire. Tu sais qu'il y a, il y a énormément de postes, de fonctions où le fait de sur lesquels le fait de ne pas être maquillée va être problématique. Je connais des personnes, par exemple une chargée de recrutement, qui s'était entendue dire par sa hiérarchie clairement qu'il fallait qu'elle se maquille plus parce que elle faisait trop jeune. Et du coup, en tant que recruteur, c'était problématique. Donc, tu vois, je pense que c'est une assez belle illustration de cette pression Et sociale. en plus, avant, bon, c'est à l'époque des rois et tout, mais les mentalités changent pas vraiment. Les femmes se Oui. mettaient de la poudre de riz pour paraître beaucoup Ah plus oui. pâles, parce que sinon, Ah. elles n'étaient pas bien vues. Plus t'étais Ah pâle, oui. mieux c'était. Ah oui. Et il y Donc, avait des ombrelles, etc., pour ne surtout pas avoir de teint ouais, hâlé. avoir le. Exactement, ouais. Et si je ne m'abuse, c'est lors de la création des congés payés en France que ça, on a changé de mode parce que c'était plutôt un signe de richesse que d'avoir le teint hâlé. Ça voulait dire qu'on pouvait se payer des vacances, etc. Donc il y a eu un Ouais, basculement. c'est ça. Mais oui, en effet, du coup, les modes, etc., nous influencent forcément. Alors, il a une. My gros zizi, du coup, a une Ouais, réaction. le truc du maquillage parce qu'elle fait trop jeune, c'est compréhensible après. C'est pas parce qu'elle est moche ou quoi. C'est pour le taf. Ah, Donc après, je tout à pense que fait. ça va quand même. Enfin, j'ai pas Tout mon à avis à fait. donner, je ne suis pas une femme et je ne se ressens pas la pression sociale au quotidien que vous devez ressentir. Donc je n'ai pas mon avis à donner, c'est vrai. Et l'histoire du maquillage, N'importe quoi. c'est un peu un paradoxe aussi que vous maquillez autant parce que la plupart des mecs, ils préfèrent les meufs sans maquillage en fait, au final. Ah, bah c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que toi, tu préfères du coup les filles plutôt naturelles ou est-ce que le fait qu'elles présentent, arborent un joli maquillage bien travaillé, tu vas trouver ça séduisant? Ça, c'est une vraie question qu'on s'est posée là depuis tout à l'heure. Et c'est sûr que le fait que ce soit au travail, ça peut du coup être un peu différent. Mais pourquoi le travail, pourquoi la hiérarchie nous demande parfois de nous maquiller, si ce n'est parce qu'il y a une pression sociale un peu globale et des attentes un peu globales vis-à-vis de l'apparence et du coup indirectement du maquillage. On peut étendre en fait le débat à tout ce qui concerne l'apparence, le fait qu'on se doit d'être un peu apprêté, par exemple quand on va au travail, on peut pas arriver en pyjama, entre guillemets. Mais tout ça, du coup, ça fait partie de la pression sociale et de la vie en communauté, hein, c'est sûr. Alors, je vous propose de passer à la rubrique Les 3 belles minutes scientifiques. La semaine dernière, Marine m'a proposé, c'est pas la semaine dernière, d'ailleurs, c'était il y a 2 jours, m'a proposé de faire aujourd'hui le point sur tout ce qui est pellicule. Elle voulait un peu savoir d'où elle provenait et avoir peut-être des astuces contre les pellicules plutôt sèches. Alors, du coup, je vous propose d'éclaircir un peu ce sujet. Bon, déjà, vous le savez, ce sont des petits fragments de cuir chevelu qui se détachent et qui ensuite restent dans les cheveux, puis tombent par la suite. Lorsque ce sont des pellicules plutôt sèches, elles sont assez blanches, alors que les pellicules grasses vont, elles, tomber plus difficilement et être un peu plus de couleur un peu plus jaune. Pour comprendre en fait ce qu'est une pellicule, il faut que je rappelle un peu le principe de la constitution de la peau. On a l'épiderme qui est constitué de plusieurs couches de cellules, les unes sur les autres, superposées, qu'on appelle les kératinocytes. Et cet épiderme, il se renouvelle constamment. Ce qui se passe, c'est que les kératinocytes vont se diviser, se différencier et migrer en permanence de la profondeur vers la surface de l'épiderme. Donc, elles naissent dans la couche la plus profonde, qui est la couche basale, et ensuite, elles vont migrer, hop, vers la couche la plus en surface, celle qu'on peut voir visuellement, du coup, à l'œil nu. Et elles sont poussées par les nouvelles qui naissent en dessous, en fait. Et quand elles arrivent à la surface, ces cellules vont finalement mourir et tomber. Ça, c'est le processus classique de constitution de la peau et du cuir chevelu également. Et pour ce qui est des pellicules sèches, il s'agit d'un trouble en fait de cette formation de l'épiderme. Quand on en a, c'est que la division cellulaire de la couche la plus profonde a été trop rapide. Les cellules sont montées entre guillemets un peu trop vite et les cellules qui montent vers la surface de la peau n'ont pas le temps de perdre leur eau et de se durcir. Donc, elles atteignent du coup la surface du cuir chevelu sans être suffisamment desséchées. Ça va former un amas de cellules sur le cuir chevelu qu'on appelle des pellicules. Il y a plusieurs causes à cela. Plusieurs choses peuvent un peu aggraver ce phénomène. La pollution, le vent, les changements de température, ça peut accentuer les pellicules. Et après, il y a quand même des solutions. Donc, il y a des produits qui existent. Tout ce qui est shampoing assez fort, ça c'est ce que Marie nous évoquait la dernière fois, ça va risquer de fragiliser le cuir chevelu en fait. C'est comme pour la peau du visage, il vaut mieux des produits plutôt doux. Et un ingrédient qui a de bonnes vertus, et d'ailleurs une auditrice nous en avait parlé lors du live sur les cheveux justement, c'est l'urée. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi Camille, est-ce que tu as déjà entendu parler de cet ingrédient? L'urée, j'en ai entendu parler dans mes cours, mais c'est vrai que je me suis pas plus attardée sur. Pencher dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, apparemment, il hydrate les cheveux secs et fragiles et il va en même temps convenir au cuir chevelu irrité. Donc, il va avoir une action hydratante tout en aidant à retirer les desquamations, donc les pellicules. Les Et pellicules, j'ai ok. trouvé, ouais, ça peut être une solution. Un exemple de shampoing, ce serait celui de la marque Eucérine, formulé avec 5% durée du coup. Je ne l'ai pas testé, mais il en contient par exemple. Alors, nous avons deux interventions. Donc, Ouais, Maïgrosisi en ça concerne les deux premier. sexes du coup. Le fait Tout ce qui est d'être propre sur soi apparence. pour du taf, C'est c'est souvent sûr. dur. Et moi, 9 fois sur 10, je préfère la meuf démaquillée, largement. Ah, j'ai pas entendu la fin. T'as compris la fin? Il a Je dit préfère 9 mois, la 9 meuf fois sur 10, démaquillée, je non? préfère. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Mais ça, c'est intéressant de voir que là, depuis tout à l'heure, on a que des hommes. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des hommes qui s'arrêtent sur ce titre de maquillage et pression sociale. Donc, ils sont quand même Oui. intéressés par le sujet. Et pourtant, c'est pour nous dire qu'a priori, ils préfèrent du naturel. Que pense Radio C'est vrai. Pirate? Ah ben, les hommes, ils aiment les femmes au naturel. Hein. Je connais aucun homme au monde. Non, je vais pas abuser. Mais je connais aucun homme qui aime les femmes maquillées, quoi. Moi, perso, j'aime pas. Enfin, comment dire? Tu sais, une femme maquillée, c'est un peu comme un Kinder Surprise, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir des surprises. Je préfère avoir la femme au naturel pour être sûr de ce que j'ai en face de moi. Après, cela ne m'empêche pas de trouver ça beau pour certains, puisque perso, j'aime pas quand c'est trop. Quand c'est juste un petit peu par-ci par-là, ça va. Mais si c'est pour te poudrer ta tête entière et que en fait tu vois que en dessous du cou t'as une couleur de peau complètement différente, vas-y. Oui, du coup, t'aimes pas, voilà, s'il y a vraiment un trop gros écart entre le physique naturel et le physique un peu du paraître. Oui, ça peut c'est sûr, ça se défend. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que les garçons, vous préférez pas qu'une femme soit plus à l'aise, puisse s'assumer en étant un petit peu maquillée, au moins, plutôt qu'une femme qui serait plus introvertie parce qu'elle a des complexes éventuellement, qu'elle ne le cache pas du coup sans maquillage. Ça, c'est aussi une autre question. Qu'en pense Merci Marine? beaucoup Alice pour cette explication. Et est-ce que ça peut être une bonne idée de faire des gommages du coup pour le cuir chevelu quand on a des pellicules ou au contraire ça va encore plus l'agresser? Merci Marine. Du coup, ça peut être bien si ce sont des gommages doux. Il faudra éviter de prendre ton gommage, par exemple, pour le corps très à gros grains et ensuite de l'appliquer sur le cuir chevelu agressivement, entre guillemets, parce que là, tu vas plutôt fragiliser le cuir chevelu. Et c'est tout le problème, en fait, de tout ce qui est produit en général pour régler un souci esthétique, c'est que on pourrait être tenté de choisir un produit un peu agressif, je pense au peau grasse notamment. Sauf que l'inverse, enfin, il faudrait, ça risque au contraire d'accentuer le phénomène. Il faut essayer aussi de réduire la cause. Donc, est-ce que les pellicules sont là parce que tu utilises des produits un peu trop agressifs justement, et du coup que tu te laves les cheveux tous les jours ou quelque chose comme ça, et que du coup il y a ces pellicules qui se forment. Enfin, faut voir quelles sont les sources éventuellement. Mais sinon, un gommage adapté au cuir chevelu, ça se tente, hein, tout à fait. Ça peut aider à les retirer une fois qu'elles sont présentes. Bah, c'est On pas a une qu'on a autre peur, c'est intervention. que on veut voir à quoi ressemble la meuf directement en fait. On veut pas des artifices. Par contre, on veut aller voir des feux d'artifice avec vous. Beaucoup. C'est beau. Belle chute. Oui. Non, mais c'est intéressant. Merci, merci pour vos avis. Je pense que tu gagnerais à changer ce pseudo parce qu'à chaque fois, tu vois, j'hésite à le prononcer. Mais libre à toi. Du coup, nous allons passer maintenant à la rubrique du vrai-faux. Donc, chers auditeurs, hein, on attend vos contributions. Dites-nous ce que vous en pensez de ces affirmations sur le thème donc maquillage et pression sociale. C'est parti pour cette question et une bonus. Camille, tu vises quel score ce soir, donc sur 8? Au moins 5, soyons optimistes. D'accord, Plus de la ouais. moitié. Bon, on va voir ça. Première affirmation. Bon, quand on parle de pression sociale, on pense aux réseaux sociaux, on l'a dit. Il existe des agences de marketing d'influence qui aident les marques à trouver le bon influenceur pour parler de leurs produits. Voici l'affirmation du coup. Sur Instagram, les plus petits influenceurs qui peuvent être rémunérés par une marque sont les nano-influenceurs. C'est des personnes qui ont entre 500 et 5 000 abonnés. Vrai ou faux, Camille? Sous-entendu, les personnes qui ont le moins d'abonnés et qui arrivent quand même à être rémunérés avec leur communauté, ont entre 500 et 5 000 abonnés. Qu'en penses-tu? Je pense quand même que c'est vrai. Parce que même si on a une petite communauté, si ça plaît, ça peut, les gens peuvent partager et ça peut être, vite faire l'effet boule de neige. D'accord. Donc, Donc tu du coup, penses ils que les gagnent plus marques pourraient se d'abonnés, contenter? etc. Ouais, D'accord. Tu je penses qu'une pense. marque pourrait se contenter d'une communauté de 500 personnes si l'influenceur est actif et correspond aux valeurs de la marque, etc. Ouais, je pense. D'accord. On va voir ce que nous proposent nos auditeurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Sophie? Moi, je dirais Salut vrai Sophie. aussi. Tu penses que c'est vrai également? Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis là-dessus? Vous êtes plutôt d'accord avec Camille, du coup? Eh bien oui, bravo. Première bonne Ah. réponse, c'est vrai tout à fait. Donc ces nano-influenceurs qui ont entre 500 et 5 000 abonnés perçoivent en moyenne pour un post Instagram 100 $, alors que OK. la strate d'après, ce serait les micro-influenceurs qui ont entre 5 000 et 30 000 abonnés, et eux vont percevoir en moyenne 172 $. Et au-dessus, on a les macro-influenceurs entre 30 000 et 500 000 abonnés. Donc là, c'est en moyenne 507 $ par post Ok. Instagram. On a deux personnes qui ont voulu répondre juste quand j'ai dit la réponse. Donc peut-être qu'elles n'avaient pas encore Moi j'ai entendu. dit faux, mais je Astrée. crois que le vocal n'est pas passé. Ah oui, non. A priori, il n'est pas passé. Bah, tu avais faux, justement, Astrée. Mais merci d'avoir participé. Et Florent? Je pense que c'est faux. C'est trop petit. Toi, tu pensais que ça suffisait pas. En fait, a priori, les marques vont accepter une communauté de 500 personnes seulement si il s'agit d'une communauté entre guillemets qualitative qui est assez active, etc., sur le réseau de la personne, et que du coup, les marques peuvent vraiment transformer en acheteurs potentiels les différents abonnés. Et d'ailleurs, les marques ne font pas majoritairement appel aux macro-influenceurs, hein, parce que pour leur communication en 2018, les micro-influenceurs, donc la deuxième strate, publiaient 84% des messages sponsorisés. Voilà, Ah ouais? pour ceux qui ont entre 5 000 et 30 000. Donc, les macro-influenceurs qui ont carrément entre 30 000 et 500 000 abonnés ne sont pas du tout les plus gros posteurs de messages sponsorisés. Bah, finalement, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, évidemment, c'est une autre C'est stratégie vrai. de se dire, bah, je vais plutôt viser plusieurs communautés différentes, même si elles sont un peu plus petites. Deuxième affirmation. 2 femmes sur 5 se maquillent. Vrai ou faux, Camille? J'hésite à dire plus, quand même. Ouais. Bah, je dirais faux quand même. Plus. Tu penses que c'est faux? Donc là, on est sur du 40%, 2 femmes sur 5. Toi, tu penses que c'est plus que ça? Tu penses que c'est plus que la moyenne? Ouais, je pense. Au moins 60%, je dirais. Parce que on va dire que D'accord. petit à petit, là, le naturel prend le dessus, mais je pense quand même qu'il y a quand même une grande part. D'accord. Alors, que nous proposent nos auditrices Faux, je pour dirais le plus. moment? Astrid dit faux, donc elle est d'accord avec toi. Moi, j'aurais envie de Sophie? dire faux, ça me semble pas beaucoup. Même avis pour Sophie. Marine? Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec Camille, je dirais aussi plus. Et Moi, Léa, j'aurais dit Margot. vrai. Je pense que c'est moins de la moitié. D'accord. Bon, bah, à part Léa, bravo. En effet, c'est beaucoup plus. Le maquillage est une pratique assez répandue en France. 83% des Françaises interrogées dans une étude récente déclarent se maquiller. Donc, Ah oui. évidemment, avec un éventuel effet de groupe et une volonté de se fondre dans la masse, on peut être amené à vouloir se maquiller aussi, on peut se dire. Ah, il y a Mais en Manon fait, aussi ça qui dépend voulait si dans les participer. femmes, vous comprenez aussi les adolescentes et les femmes plus âgées. Parce que je pense que c'est peut-être des tranches d'âge qui se maquillent moins. Et dans ce cas-là, je pense que c'est vrai. Mais si c'est plutôt les femmes actives, entre guillemets, C'est vrai. bah du coup, je pense que c'est faux et que c'est plus. Je pense qu'il s'agissait des femmes majeures, puisque c'était vraiment le terme femme d'employé. Et je serais curieuse, hein, de savoir quelle est la part chez les adolescentes, parce que les adolescentes peuvent aussi beaucoup se maquiller. Enfin, quand elles se maquillent, elles peuvent être vraiment. Enfin, y passer du temps et avoir une grosse consommation de maquillage. Donc. Dur à dire. En tout cas, pour cette étude sur des femmes adultes, du coup, plus de 2 sur 3 se maquillent les yeux, plus de la moitié se maquillent le teint et 1 sur 3 se maquillent la bouche. Cette Okay. étude-là date d'avant la crise sanitaire. Et là, on passe à notre troisième affirmation. Après le premier confinement, une autre étude de juillet 2020 de l'IFOP a été réalisée et cette étude précise donc notre deuxième affirmation qui est une femme sur trois déclare se maquiller chaque jour. Vrai ou faux? Bah, je dirais vrai, du coup. Une femme sur trois, Tu parce que penses peut-être que... qu'après le confinement, il y en a qui ont pris conscience de certaines choses, je sais pas. Peut-être. Ouais. On Ouais, était à 8 je sur pense. 10 et là on passerait à une sur 3. Ah bon? Ouais, je Donc pense que c'est possible, quasi... ouais. Quasi 3 sur 10, du coup. Que nous propose Astrée? Je dirais faux, je pense que c'est moi. T'es d'accord? Que c'est Tu penses moi? que c'est Mais en effet. moins qu'une sur 3? Sophie? Je pense que c'est vrai aussi, une femme sur trois. Ok. Donc, en fait, c'était faux. C'est encore moins que ça. Ah, Une ok. femme sur 5 seulement se maquille quotidiennement, quotidiennement. Hein. Là, c'est aussi la différence. C'est que tout à l'heure, c'était le fait de se maquiller donc régulièrement ou ponctuellement, alors que là, c'est vraiment chaque jour. Il y a une femme sur cinq en juillet 2020, donc après le confinement, qui se maquillait quotidiennement, sachant qu'en 2017, c'était 2 sur 5 qui se maquillaient quotidiennement. Donc, on voit qu'il y a une vraie, il y a eu une vraie réduction de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Et ce sont surtout les moins de 30 ans qui sont concernés par ce phénomène de moins se maquiller. Une sur deux, 53%, a déclaré se maquiller moins qu'avant la crise. Voilà. Et donc, pour revenir au thème de OK. la pression sociale, dans cette même étude, 38% des hommes et 35% des hommes estiment, bon, que le maquillage est un signe de superficialité. Et autre info, apparemment, 9% des hommes et 7% des femmes font l'amalgame entre rouge à lèvres et le fait d'être sexuellement disponible. C'est ce qui est ressorti de cette étude. Donc c'est assez intéressant Bah. aussi, c'est quand même une part une Le rouge part à lèvres. conséquente. Ouais, le rouge à lèvres Ok. particulièrement, plus que Ok. du coup le maquillage des yeux ou quoi. Ok. Alors, que veut nous dire Arthur? Salut Beauté Arthur. imaginée et Wearmouth. Beauté imaginée, pourquoi tu mets pas ta tête, Wish? Pour que tu l'imagines, Arthur, c'est tout le concept. Notre invitée Camille nous a parlé de son rapport à la beauté, donc de la façon dont elle imagine la beauté finalement, et le maquillage en l'occurrence ce soir. Et vous, nos auditeurs, vous pouvez imaginer notre belle invitée. Donc ça, c'est direction Instagram pour avoir une photo mystérieuse. Et du coup, nous passons à notre quatrième affirmation. Les techniques pour maquiller quelqu'un qui va à un événement ou quelqu'un qui va être pris en photo sont les mêmes. Vrai ou faux, Camille? J'hésite parce que pour la photo, faut grossir les traits. Et pour les vêtements, bah, il y a des photos qui sont prises. Voilà, je pense que c'est pareil. Mais il faut grossir les traits, D'accord. mettre plus de produits. Donc tu dirais du coup Ouais, je dirais que c'est vrai. que c'est vrai. Qu'est-ce qui va nous être proposé par nos auditeurs? Est-ce que nos auditeurs ce soir dans Beauté Imaginée, notre quiz vrai-faux sur le thème maquillage et pression sociale, sont d'accord avec Je dirais Camille faux. Astré? Toi, tu penses que c'est faux, donc elle n'est pas d'accord avec toi. Je répète l'affirmation. Les techniques pour maquiller quelqu'un qui va à un événement ou quelqu'un qui va être pris en photo sont les mêmes. Eh ben non, c'est faux. Ah. Donc, c'est une deuxième erreur pour toi. Tu es pour l'instant à 2 sur 4 et tu avais espéré faire 5 sur 8, donc tu as le droit encore à une faute pour atteindre ton objectif. En fait, il y a les enjeux de lumière qui vont être assez différents. Les beaux maquillages qu'on voit sur les réseaux sociaux ne rendraient pas pareil en physique en général, hein. Et autour de ça, il y a plusieurs tendances. Niveau résultat lumière en maquillage, il y a le teint hâlé, le teint enluminé, le teint brillant, par exemple. En réaction à cette demande, les marques de fond de teint essayent de proposer des teintes capables de s'adapter à toutes les carnations. Par exemple, on a la marque NYX qui, dans sa gamme Can't Won't Stop, proposait 45 teintes, ce qui est énormissime, pour vraiment répondre aux envies de lumière et de carnation d'un maximum de clientes possibles et de clients possibles. Manon? En vrai, oui, je pense que c'est vrai aussi. Elle était plutôt d'accord avec toi. Navrée. C'est d'autres techniques. Quand on va à un shooting photo, par exemple, on a tendance, les maquilleurs professionnels qui s'occupent de nous ont tendance à vraiment forcer le trait pour qu'il y ait un rendu particulier à la photo. C'est bon à savoir aussi parce que si vous trouvez du coup une influenceuse a l'air super bien maquillée et qu'en suivant ses conseils, vous trouvez que vous, ça ne rend pas peut-être pas exactement de la même façon. C'est peut-être tout simplement que quand vous regardez dans le miroir à la lumière naturelle et sans le filtre de l'écran et de la photo, bah, en fait, ça ne rend pas comme ce qu'elle a pu montrer dans une photo. C'est vrai, Et sans Arthur filtre. veut encore participer. Moi, Ouais, si c'est vous ça. voulez mon opinion par rapport au maquillage, Ouais. le problème avec le maquillage, c'est qu'on ne sait pas qui y a derrière la personne. Enfin, on ne sait pas comment on a Ah. l'air. Et c'est ça le problème qui D'accord. est dommage. Moi, j'aimerais bien que les femmes mettent moins de maquillage. Vous voyez qu'on voit quand même le visage, comment il est fait sans maquillage qu'on arrive à identifier. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ouais, bah on voit très bien parce que tu es du même avis que deux intervenants de tout à l'heure Après, là, et je que veux-tu généralise, hein. ajouter? Pas toutes les femmes mettent autant de maquillage. Hein. Oui, tout à fait. On voit depuis tout à l'heure que quand il y a vraiment un côté excessif du maquillage, a priori, vous, les garçons, ça vous plaît pas. Maintenant, si c'est léger, je me demande même parfois, les hommes ne se rendent pas compte quand il y a un maquillage léger, hein, si c'est bien fait, un teint plutôt naturel. Je ne sais pas, Camille, si tu as déjà eu cette expérience-là, mais parfois, ils ne se rendent pas compte. Donc, il faudrait voir aussi, selon les degrés, ce que vous en pensez vraiment. Mais c'est vraiment intéressant de voir que vous, dans l'ensemble, là, enfin, comme tu dis, Arthur, il ne faut pas généraliser, mais là, pour les interventions masculines qu'on a eues, trop de maquillage, ça vous inquiète plutôt. Du coup, nous passons à la cinquième intervention, affirmation. Le mouvement du No Makeup a été lancé par la chanteuse Beyoncé. Vrai ou faux, Camille? Alors ça, j'en sais rien du tout. Elle a beaucoup d'influence, beaucoup de gens l'aiment, je dirais vrai. Tu penses que c'est vrai? Beyoncé aurait pu initier une telle, Je sais un tel pas. mouvement. Je mets vraiment juste parce que elle a de l'influence. Mais je pense pas parce que Ouais. quoique, ouais, Oh si, non, vrai. mais pourquoi pas, hein. Sois Oui. spontané, n'aie pas peur. Je sais que tu n'as le droit qu'à une seule faute, donc la pression non sociale ce soir, mais la Je pression sens les du score est énorme. espoleons. Alors, est-ce que Astrée est d'accord Je avec dirais que toi? c'est vrai, pour bien la connaître. Ah, tu es fan Astrée de Beyoncé? Eh bien non, j'ai fait un petit Ah. piège. C'est en fait Alicia Keys qui a lancé ce mouvement du No Makeup en 2016, ouais. Pour montrer un peu qu'elle n'était pas d'accord avec les dictats autour du maquillage et de la beauté en général. Et dans le même Okay. esprit, il y a eu un mouvement en Corée du Sud. Il y a des femmes qui ont détruit leur maquillage pour dénoncer toutes ces pressions autour de la beauté et elles ont publié les photos sur les réseaux sociaux. Donc, dans l'ensemble, c'est vrai que ce mouvement-là, on en avait pas mal entendu parler, hein. T'avais aussi, sans savoir d'où ça venait, c'était Oui, vraiment j'en ai un déjà entendu phénomène. parler. Et même aujourd'hui, on a souvent le hashtag no filter, hashtag no makeup. Donc, c'est Oui, une vraie c'est vrai. tendance aussi de prôner le naturel comme Le ça. naturel. Oui. Donc, du coup, si je ne m'abuse, ah, tu n'as plus le droit à aucune erreur pour atteindre le 5 sur 8. Non, mais pas de souci, J'ai j'essaye une de mettre des pièges, pression. sinon c'est pas rigolo. Mais oui, je sais, c'est pour rester dans le thème de la pression. Alors du coup, le dysmorphisme est le fait de se Ouais. trouver toujours trop gros ou trop grosse. Vrai ou faux? Morphisme, c'est les morphologies. 10, c'est difficulté, un truc dans le genre. Ah, oui, vrai. Tu penses que c'est vrai? Du coup, le dysmorphisme, chers auditeurs, si vous voulez vous essayer à notre quiz vrai-faux sur beauté imaginée ce soir, l'affirmation est la suivante. Le dysmorphisme est le fait de se trouver toujours trop gros ou trop grosse. Est-ce que, comme Camille ce soir, vous pensez que c'est vrai? Astrée, Moi, je merci dirais de que c'est participer, Astrée. vrai, ça me paraît cohérent. Ayant fait beaucoup Ça de te paraît latin. cohérent aussi? Alors, navré, c'était faux. Pas tout à Ah. fait. En fait, en psychologie, le dysmorphisme est une maladie. Elle correspond à un décalage entre la réalité et la manière dont la personne va percevoir son corps. Par exemple, entre l'image de soi dans le miroir et ensuite l'image de soi retouchée sur les réseaux sociaux notamment. Donc, cette pathologie a été favorisée par tout ce qui est filtre des selfies sur Snapchat, par exemple. On ne supporte pas que notre apparence soit différente, pardon, de notre idée de la beauté et de ce que rend un joli filtre, en fait. Donc, c'est une pathologie qui s'est assez développée, malheureusement, avec tout ça. On passe à Okay. notre septième affirmation, un peu en lien avec la précédente. Selon l'Académie américaine de chirurgie plastique et reconstructive, en 2017, 55% des praticiens ont reçu des patients qui ont demandé une chirurgie plastique pour améliorer leur apparence sur les selfies. Vrai ou faux, Camille? Qu'en J'hésite à penses-tu? dire plus parce que ça m'étonnerait vraiment pas. Parce Ouais. que je vais dire, je vais encore avoir fou. Je vais dire vrai, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même plus. Tu penses que a priori, ce serait plus encore. Donc, je rappelle l'affirmation. Selon l'Académie américaine de chirurgie plastique et reconstructive en 2017, 55% des praticiens ont reçu des patients qui ont demandé une chirurgie plastique pour améliorer leur apparence sur les selfies. 55% des praticiens ont reçu des gens avec cette demande. Est-ce que Astrée Non, est je pense que d'accord c'est quand avec même moi, toi? je dirais faux. Et que pense Coin? Bonsoir, Coin. Tellement absurde, c'est tellement américain. J'ai envie de dire vrai. Pardon, je suis en train de manger des sushis. Et pardon, j'aurais dû commencer par bonsoir. Bon appétit, quoi. C'est vrai. C'est inquiétant, non? Ah Donc, ouais. c'est-à-dire que 55%, plus d'un praticien sur deux dans une année en 2017 a reçu des personnes avec cette demande-là de vouloir améliorer l'apparence Mais en même temps, ça qu'elles avaient m'étonne pas, sur le selfie. c'est Ouais. américain de faire ça. Ouais, c'est vrai, Plus, comme je ouais. disais, coin, c'est vrai que, a priori, on n'a pas les mêmes ratios en France, heureusement pour le moment. Ouais, non, c'est énorme. Après, il suffit qu'ils aient reçu une demande comme ça pour faire partie des 55%, hein. Donc, ils Oui, c'est envoient vrai. tellement des milliers que c'est à prendre avec des pincettes quand même comme info. Mais ça veut dire qu'il y a des gens, en tout cas, qui arrivent avec un selfie d'eux et qui disent, regardez, là, sur le selfie, ça et ça me dérange. Plutôt que de dire, bah, moi, dans le miroir, voilà ce qui me dérange, ce qui me complexe, etc. Mais bon, Ouais, c'est vrai. c'est comme ça, on va dire. Ah, Esther? Ah mince, Esther, on t'entend pas du tout. Tu as entendu, toi, Camille? Non, j'ai pas entendu. Non. Bah, Esther, tu peux reproduire ton intervention. Et la question bonus, dernière question de notre quiz vrai faux. Lors du live avec Marine, l'auditrice Musky avait soulevé un point intéressant, le rasage du duvet. Je voulais y répondre ce soir. Voici l'affirmation. La tendance du dermaplaning consiste à raser tout le duvet du visage pour obtenir une peau bien plus lisse. Vrai ou faux, Camille? Vrai, je crois que c'est exfolie en même temps. Truc dans le genre. Donc, toi, tu penses que c'est vrai? Est-ce que nos auditeurs ont un avis là-dessus? Donc là, pour l'instant, Camille, tu es à 1, 2, 3, 3 bonnes réponses sur 7. Est-ce que en répondant bon à cette affirmation-ci, tu auras la moyenne sur 8? On va le savoir dans un instant. Nous avons 4 propositions. Manon. Oui, je crois que c'est vrai aussi. J'ai déjà vu ça sur Instagram, je crois. Astrée. Ouais, elle est vraie. Ouais, moi je suis d'accord. Léa Carbo. Moi aussi, j'aurais dit comme Camille, j'aurais dit vrai. Et Florent. À mon avis, je pense que c'est vrai. J'ai déjà vu ma sœur, par exemple, s'enlever le duvet, donc je pense que c'est vrai. Donc là, c'est vraiment de tout le visage avant, par exemple, d'appliquer un maquillage. Marine? Je suis pas sûre du tout, mais je dirais que c'est faux vu que l'autre fois t'avais l'air de dire que c'était pas une très bonne idée de raser. Et coin? C'est faux. C'est juste pour pas faire comme tout le monde. Mais non, en vrai, je pense que c'est faux. L'esprit de contradiction. Eh bien, c'est vrai. Donc, malheureusement, vous aviez plutôt raison. Donc, en fait, les influenceuses beauté qui incitaient à cette pratique vantaient ces mérites d'exfoliation de la peau, tu l'as dit, Camille, et pour avoir la peau lisse comme si elle avait été exfoliée, et aussi pour faire tenir le maquillage. Ça reste une stratégie court-termiste parce que la peau, ensuite, lorsqu'on la rase comme ça, en plus avec un produit pour aider le rasoir à glisser, elle va perdre sa barrière de protection. Donc, c'est assez agressif pour elle. Et après, côté repousse du poil, ça me paraît vraiment inquiétant. Là, je n'ai pas trouvé d'études qui montreraient clairement que le rasage modifierait les poils et leur constitution et leur épaisseur. Mais il y a plusieurs témoignages de personnes qui se sont rasées un duvet et qui ont vu leur tout petit poil devenir plus épais par la suite. Donc le risque, c'est à force de suivre cette technique, de se retrouver peut-être avec des poils un peu plus visibles sur l'ensemble du visage. Bon, ce qui est sûr, par contre, c'est que l'épilation, elle va détruire le bulbe qui fabrique les cellules du poil. Et les cellules du bulbe, elles ont une capacité de régénération limitée. Donc, au bout d'un certain nombre d'années à être arrachées comme ça par épilation, les poils sont moins nombreux parce que les bulbes n'ont plus de capacité à se reconstituer. Alors que le rasage, c'est une toute autre démarche. Le poil est juste coupé, voilà, à ras de la peau. Et du coup, le bulbe n'est pas affecté. Donc, en tout cas, il va certainement pas réduire avec le temps, ça c'est sûr. Et pour ma part, j'estime qu'il aura plutôt tendance à être un peu stimulé à force. Bon, cette question bonus clôture bien, je trouve, notre quiz vrai-faux parce que on était sur le thème maquillage et pression sociale. Et là, ça montre bien que les réseaux sociaux peuvent nous pousser à faire des choses assez étonnantes pour suivre des influenceuses et avoir des pratiques plus efficaces, plus belles ensuite, niveau maquillage, etc. Au niveau des sources que j'ai utilisées pour réaliser ce quiz vrai-faux, il y a le ifop.com, France Info TV, CSA, Huffington Post et Meltwater. Et Camille, toi, ça te fait la note de 4 sur 8. Pas mal. T'es Bon, j'ai la satisfaite? moyenne, c'est déjà ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'est plutôt une bonne note parce que dans l'ensemble, c'était dur de d'avoir les réponses, hein. C'est tout l'intérêt du quiz en général. C'est bientôt la fin de notre live stéréo sur le thème maquillage et pression sociale. Chers auditeurs, si vous avez des remarques, des questions, c'est le moment ou jamais. Camille, pour finir, moi j'ai une question. Est-ce que pour mon prochain live, il y aurait un mécanisme de cosmétique ou une réaction de la peau que tu voudrais que j'explique dans ma prochaine rubrique, les 3 belles minutes scientifiques? Bah, pourquoi pas les plaques de rougeur qu'on a, mais c'est potentiellement à cause du maquillage, mais les comment dire, qu'on a des plaques, enfin, c'est pas à cause des boutons, mais des plaques sur la peau, des trucs dans le genre, par exemple D'accord. l'eczéma, comment l'eczéma, oui, Ah oui, comment. alors tu pourras, si tu as un moment, écouter dans le live précédent, c'est vrai que c'était justement la minute scientifique concernait tout ce qui était plaques de rougeur des peaux sensibles. Donc là, Ah je oui, peux ok. m'intéresser à l'eczéma. Plus particulièrement, savoir à quoi est dû l'eczéma et ce à quoi il faut faire attention par rapport à ça. Ça Ouais. pourrait être intéressant. Oui, Je potentiellement. sais, ça peut nous renseigner si on en a ou pour éviter d'en faire éventuellement. Bah, parfait, c'est noté. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté Imaginée. Merci beaucoup, Camille, de m'avoir accompagnée et répondu. Bah, merci beaucoup à toi. J'espère que tu as appris quelques informations via le quiz Ah notamment. bah oui, avec le quiz, oui. Merci en tout cas, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. Et si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée, pourquoi pas poser à mon invité, n'hésitez pas à me la proposer. Si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Beauté imaginée sans accent et avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et pour le prochain live, je recevrai Louis vendredi prochain pour parler de son activité de make-up artiste, donc un peu en lien avec le thème de ce soir. Nous avons une intervention de Merci Astrée. beaucoup pour le live, c'était bien. Avec plaisir, ouais, c'était vraiment intéressant et puis c'était cool d'avoir ton témoignage en toute transparence, Camille, sur ce que tu ressens et ce que tu penses du maquillage. Donc, ça a été assez riche d'ailleurs de commentaires, hein. Je pense que dans l'ensemble, Oui, c'est vrai. ça a Ouais. Dans les avis de tout bien le fait monde et tout, c'est bien. réagir. Ouais, ça peut faire réfléchir. Eh bien, on se retrouve à très bientôt. On se retrouve bientôt, pardon, pour un prochain live sur Stéréo de Beauté Imaginée. Merci tout le monde, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.